suis vieux célibataire. Ça fait bientôt 10 ans que je suis seul au vestiaire. Les femmes, je sais pas pourquoi, ne veulent pas de moi. Elles sont toujours sympas, mais ne couchent pas avec moi. J'aurais tant voulu rester petit garçon pour rester collé à ces beaux nichons, ne jamais connaître les soucis d'écran. Quand j'avais 7 ans, j'étais un Don Juan. Les amis de ma mère me regardaient tendrement. Regarde-le, ce garnement, les tout rognons. Tout beau, tout chouette, pas mieux, il est vraiment mignon. J'aurais tant voulu rester petit garçon pour rester collé à ces beaux nichons. Ne jamais connaître les soucis des grands. Quand j'avais 7 ans, j'étais un Don Juan. Ne jamais connaître